Je circule sur une autoroute. Le panneau à fond bleu qui annonce une aire de repos le confirme. Le panonceau placé sous le panneau de limitation de vitesse à 90 signifie que seuls les usagers qui envisagent de prendre la sortie doivent rouler à 90 km/h maximum à hauteur du panneau. Pour ce qui me concerne, je ne me rends pas sur l'aire de repos. La vitesse est limitée à 130 km/h. Réponse A.